L-A-S-K-Y, je suis malsain, l'I-K-O-N, 26 000 sans son, De la rue on a l'accent et le flow flow, 26 000 sans, on a la dalle, élève le niveau. On est Alpes, des gars parmi nos rivaux, la concurrence au micro crie oh no. De la rue on a l'accent et le flow flow, 26 000 sans, on a la dalle, élève le niveau. On est Alpes, des gars parmi nos rivaux, la concurrence au micro crie oh no. On sort de ce béton, on a semé la folie. Nos blocs paraboles ont entraîné une phobie. Sanctionné par l'ennui, c'est l'État qui nous l'a mise. Sarkozy envoie ses blocs à qui la couleur du béton est grise. Professionnel camouflé dans vos manies, vous êtes rien. À la campo d'un tempo, outil bien dans un bidet. Mon quotidien squatté en bas, tenir les murs qui vont se plier. Au pied du mur, un slogan, tout niqué pour des billets. On survit normal, coyote, nos prédateurs ont des flashballs. L'héroïne part en croisade, décidé au powerball. Le béton, c'est une belle voix, anonyme qui empêche de chat. Ils ont oublié que Louis Vuitton nourrit ses mannequins à la. Pour les poitons de gosse, peine de mort que tout son vote. Cambriolé, volé, passer un été sur la côte. Carnassier, cadenassé, on va rouiller comme nos menottes. Enfermé à cause de ces grosses petites caves qui papotent. De la rue on a l'accent et le flow flow, 26 000 ça on a la dalle, élève le niveau. On est Alpes, des gars parmi nos rivaux, la concurrence au micro crie oh no. De la rue on a l'accent et le flow flow, 26 000 ça on a la dalle, élève le niveau. Faut que je taille la sky, j'entre dans la bataille. En taille à coups de 2-6 style, j'étais pas de taille, t'es déjà taille. Allez bye bye, moi je veux de la maille, car avec la maille qui maille, vie animal. Voilà pourquoi mon rap est si brutal. J'déboule des balles, mes rimes comme des missiles. Tu ressens le style, CR26, maintenant jeu de mots, c'est qu'une démo, c'est pas fini. J'enchaîne des ken, ma haine dans mes lyriques, j'détruis vos interdits. Représente la génération 1988. Mon son pousse à l'homicide, pas par principe, mais maths c'est chiffre en première ligne. C'est CRS qui s'aligne quand l'ambiance ma scène domine. Quand la violence fait du bruit, j'ai 17 rimes aux petits écrans de ma ville qui rôde la nuit, nique la police. J'débarque dans le rap comme le Brésil sur le terrain. L'envie de vaincre pour les miens écrase la censure comme un cul de joint. Rap comme pas deux, t'en auras trois. Je suis un malsain, Ligaon et moi. Je suis un malsain, Ligaon et moi. De la rue on a l'accent et le flow flow. On a la dalle, élève le niveau. On est Alpes, des gars parmi nos rivaux. La concurrence au micro crie oh no. De la rue on a l'accent et le flow flow. 26 000 ça, on a la dalle, élève le niveau. On est Alpes, des gars parmi nos rivaux. La concurrence au micro crie oh no. Là où je vis, souvent, les jeunes s'excitent. J't'explique pas par manque de lexique, mais pour des meufs sexy. Ils pensent que l'illicite est leur seul excit. En mode explicite, plaque l'école pour le shit et le business. Sa planète c'est sa thèse, ça fait longtemps qu'il a lâché ses potes pour les liasses. Il rêve de meufs en liesse, de péter des records comme le Guinness. Mais c'est une vie hardcore que celle du business. C'est comme ça que dans ma ville les jeunes naissent. Ceci n'est que la genèse, la promesse d'un monde meilleur. Ici les jeunes rêvent d'ailleurs, de filles en tailleur. Chanel, soirée jet set qui finit à l'hôtel. Mais quand l'homme se pointe, c'est la misère qui reprend son étreinte. Toujours d'astreinte, elle veille au grain. Donc c'est normal si les jeunes deviennent malsains. Habitués au larcin et aux pensées malsaines, veulent devenir les parrains. Ouais ça, c'est l'effet Larsen. De la rue on a l'accent et le flow flow. On a la dalle, élève le niveau. On est Alpes, des gars parmi nos rivaux. La concurrence au micro crie oh no.